Thank you. Once upon a time, in a time long ago, once upon a time, after Congo. Tu vois, Picule. Tu vois, c'est tout ça, j'ai mis une fin. Je voulais t'entendre ma fin. Elle m'a dit qu'elle a ramené une collègue à elle aussi. Non, mais...